Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. 1857, année restée tristement célèbre dans l'histoire de la censure. En qualité d'avocat impérial représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite. Deux écrivains, deux œuvres, deux procès. Et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits. Offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. Flaubert et Baudelaire sont appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Qu'ont-ils fait ? Marauder ? Voler ? Tuer ? Pas du tout. Ils ont fait ce qu'ils savent le mieux, écrire. Ernest Pinard, avocat impérial, censeur redouté et porte-parole de l'idéologie bourgeoise, mène la charge. Voici le chef d'inculpation. Délit d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Le premier pour Madame Bovary, le second pour les fleurs du mal. Il y a bien dans le recueil du poète quelques quatrains qui versent dans l'érotisme morbide. Et dans Madame Bovary, des descriptions qui mettent à mal la sainteté de l'Église. Le prêtre se releva pour prendre le crucifix, alors elle allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. La fin des années 1850 marque l'apogée du Second Empire. Napoléon III, c'est l'ordre, le progrès, la production. C'est le positivisme d'Auguste Comte érigé en loi d'airain. Et comme dans tout régime répressif et autoritaire, la censure reprend du service. On veille au respect de la morale et de la religion, chien de garde de la cohésion sociale. La presse d'opposition n'existe pas ou peu. Quant aux écrivains et aux artistes, on les surveille de près. Baudelaire et Flaubert subissent de plein fouet la répression. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Le premier procès a lieu le 29 janvier 1857. Aux yeux de Pinard, Madame Bovary est un roman dangereux qui corrompt l'imagination des femmes, tourne en ridicule la religion et pousse à la débauche. Pour le procureur, l'écrivain doit employer son talent à l'édification du lecteur et à l'exaltation des bonnes mœurs. Emma Bovary, épouse fidèle, dévouée en femme, qui vomit son mariage, méprise son époux, Charles Bovary, et va chercher dans d'autres lits la romance et les plaisirs du corps. Scandaleux pour une société encore très patriarcale et assez mal à l'aise avec la question des désirs féminins. Pour autant, Pinard n'aura pas gain de cause. L'écrivain est acquitté, mais blâmé pour son réalisme vulgaire et souvent choquant. Et comme souvent, le procès contribue au succès du livre. On vend plus de 15 000 exemplaires en 2 mois. Six mois plus tard, c'est au tour de Baudelaire, aux côtés de Poulet-Malassis, son éditeur, de comparaître devant le tribunal. Après le roman, la poésie doit passer sous l'œil austère de la loi. Les fleurs du mal sont à la barre. Le procès s'ouvre le 20 août. Pudeur, danger, obscène. C'est tout le lexique de la censure qui parle à travers la bouche de l'avocat général. L'objectif du poète n'a jamais été d'édifier les âmes, mais bien plutôt de liquider la morale qui infecte son temps. « Tout ce qui est utile est laid », aime-t-il à répéter. La muse est libre, quitte à passer par la boue pour faire de l'or, et par le mal pour faire fleurir la beauté. Là où Flaubert passait surtout par l'ironie, l'équivoque et la suggestion, Baudelaire va directement au cœur des sujets les plus brûlants. Dieu, la religion, les femmes. Une fois de plus, l'idéal féminin s'est senti menacé. Il a vacillé. Pinard gagne. Baudelaire est allé trop loin dans l'esprit de révolte et la peinture des mauvaises mœurs. Il est condamné à payer 300 francs d'amende et 6 poèmes sont interdits. Il faudra attendre 1946 pour que le jugement soit cassé. 1857, année terrible pour la littérature ? Pas si sûr. On a essayé d'interdire le romancier, en vain. On a voulu museler le poète et on a partiellement réussi. Mais l'histoire rend toujours justice au génie. Que reste-t-il de Pinard ? Rien, si ce n'est peut-être cette légende d'une caricature parue en son temps, Pinard, ex-ministre, député cafard sous fauteuil livide, éloquence de Vinaigrier, Saint-Ignace priait pour lui.